Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le 10e jour de la première lune de la teinte sanguine de l'an 1131, soit, selon notre ancienne datation, le 10-1 sanguine 131. Deux jours que vous êtes sur cette affaire. Voir chacun des amis de Marianne a mené à rien. Personne n'a rien remarqué, personne ne savait qu'elle était malade. Pire, pour eux, elle semblait en pleine forme il y a si peu de temps. Peut-être une rechute, vous ont-ils dit. Quoi qu'il en soit, les éléments les plus troublants, c'est bien chez Maria que vous les avez trouvés. Une plaque pour un voyage à Éole qui n'a jamais été fait. Cette gramophone absente de sa table de chevet. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous êtes dans le salon de votre QG Indigo et vous profitez de la matinée pour mettre à plat cette affaire. Une affaire étrangement neutre, plate, c'est juste une femme morte d'une maladie, et qui pourtant a quelque chose de singulier, quelques éléments, quelques micro-indices qui donnent l'impression que sous la feuille calme se cache une tempête. Mais le bruit de heurtoir contre votre porte vous sort de votre conversation. Vous allez ouvrir, et c'est Eilig qui se présente à vous. Vous l'invitez, je suppose qu'après tout, c'est Eilig et c'est pas la première fois que vous l'avez déjà rencontré. Et dans le QG, après installation, vous voyez que elle commence un peu avec une discussion un peu banale. Vous savez, prendre un peu des nouvelles de chacun, comment ça va depuis le temps, depuis votre confrontation, tout ça. Et après quelques petites réponses, vous voyez là, vous la voyez souffler. Bon. LCO m'envoie, on a regardé un peu rapidement sur quoi vous avez été mis en affaire ces derniers jours. On a appris que Kenyo est venu vous rendre l'affaire Il Procedimento. Oui. Je vous souhaite bon courage, ça n'a pas été simple la première fois, je suis pas sûr que ça soit plus simple la deuxième. Et il y a Alceo qui a quelques réponses sur un élément que vous lui avez demandé. Excusez-moi, j'ai à voir où est. Un élément que vous lui avez demandé peu de temps à votre conversation avec Alceo sur certaines personnes. Il a enfin eu les réponses. Vous pourrez aller le voir. Pour qu'ils vous en disent plus. Vous en disent plus, pardon, excusez-moi. T'as une petite mine aujourd'hui, la Ligue. Fatigué ? Comme souvent. Ouais. Mais. Je peux passer par quatre chemins en plus de. De tout ça, on s'est un peu renseigné sur votre affaire actuelle. Là. Maria Zinati, c'est ça ? Maria Zinati, oui. Maladie. On s'est renseigné sur les raisons pourquoi le ministère tenait tant que ce soit vous qui vous occupez de l'affaire. On va être honnête, je pense que la thèse que Il Procedimento soit derrière est une excuse. Ben voilà. Évidemment. Je donne Dilige à Kornilov. Enfin, ça paraît très étonnant venant d'une personne qui a signé absolument tous ses meurtres pour qu'on sache ce qui vient de lui à ce qu'il se cache. Par contre, en cherchant un peu dans certains endroits où on n'est pas censé pouvoir écouter sans un certain grade, il semblerait que le ministère se pose quelques questions sur les conditions de la disparition de Maria Zenati. Si mourir de fils n'est pas quelque chose de très étrange aujourd'hui, il y a un peu trop de points similaires. Le fait que le médecin qui l'a déclaré morte est totalement disparu, le fait que le corps n'a pas pu être récupéré, avec une autre affaire. Dites-moi, vous avez déjà entendu parler de Elena Baletti? Ça nous dit rien. Ouais, de mémoire, ça me dit rien. Mais on a peut-être déjà vu. Comme ça, ça ne dit rien. La conteuse. Là ? Vous indique que vous avez déjà entendu ce nom. La conteuse vous dit que vous avez déjà entendu ce nom ci et là. Notamment dans une conversation très récemment. Mais en même temps, vous entendez plein de noms, plein de tout le temps. Donc, c'est normal de ne pas essayer de se souvenir de tous les noms que vous entendez. Sinon, je pense que vous deviendrez très fou, très rapidement. Mais c'est un nom qui vous est commun, mais assez étrangement, pas tant que ça. Il y a beaucoup. Vous l'avez déjà entendu dans des discussions, dans des soirées, dans des bars, dans des pubs, ce genre de choses, mais vous n'arrivez pas à identifier qui c'est exactement. Quoi. Comme vous savez que ça doit être quelqu'un qui est un peu connu, si vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, mais c'est pas un nom qui vous évoque quelqu'un, en tout cas. C'est un nom que vous avez déjà entendu, que vous êtes familier, mais sans savoir qui se cache derrière ce nom. Aline, donc, on reprend. Je vois, c'est. Vous avez donc dû arriver juste après. Pendant très longtemps, sa mort est restée tabou dans les conversations. Elena Baletti, c'est une doge. C'était une des doges les plus influentes de Venise ces dernières années. Pour dire vrai, elle est morte en 1125. C'était maintenant il y a 6 ans. Et elle est morte de fist aussi. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. On a le médecin qui l'a déclarée morte n'a jamais été retrouvé après la crémation du corps. Enfin, c'est tout bête. Le fait que le corps a été si rapidement occupé, ce qui est normal, parce qu'une fille, ça reste contagieux. Ça a créé pas mal de mystères autour de sa mort, mais un mystère qui se trame en basse ville, que les gens aiment raconter des histoires pour quelques frissons, vous voyez, rien de sérieux. Le ministère n'a jamais étudié plus que ça. Il y a eu une enquête rapide, mais il semblerait que, mis à part le fait que le médecin ait vite quitté la ville, hein, il n'y a rien de spécial autour de ça. L'enquête a donné juste une non-suite. Mais vous savez que le ministère est un peu paranoïaque dans certains derniers temps, surtout avec il procedimento qui se joue un peu de nous. Et le fait qu'il y a quelques éléments communs, à mon avis, ils veulent voir s'il y a quelque chose derrière. Visiblement, vous avez un talent pour dénicher des dossiers déjà classés avec la moitié d'informations manquantes. Ils ont l'air de demander que vous fassiez la même chose. Très bien. Après, pour l'instant, rien. Pouvoir consulter le dossier nous intéresserait, notamment par rapport à certains indices qu'on a pu retrouver sur la dernière scène de crime. Je fais des guillemets avec mes mains lorsque je dis ça. Ça pourrait être intéressant de voir si les enquêteurs à l'époque ont relevé les mêmes types d'éléments. Il vous suffira de vous rendre au bâtiment institutionnel, le dossier est là-bas. Pour l'instant, ce que je vous ai dit, clairement officieux. Ne faites pas de vagues là-dessus, mais j'essaie juste de comprendre pourquoi le ministère ne vous demande pas directement de faire le lien entre les deux affaires et vous laisse mariner avec Maria Zenati, qui, respect à son âme, me semble pas si intéressante que ça en termes d'enquête, de ce que j'ai eu vent. Il y a sûrement une raison. Faisons confiance au ministère, mais disons que je vous donne un coup de pouce pour que vous ayez un temps d'avance quand ils vont vous mettre sur cette affaire, sans que vous ayez déjà le procedimento à gérer. Si on peut vous aider, c'est sûrement mieux. J'aurais une petite question dans ce cas-là. Est-ce que vous connaîtriez un moyen très simple, facilement à notre disposition, avec lequel nous aurions pu aboutir à ces conclusions que vous venez juste de nous donner? Ah oui, qu'il y a un lien entre les deux? Non, en gros, j'aimerais, vu que vous n'avez pas vraiment l'air de vouloir qu'on dise que vous nous ayez filé le tuyau, j'aimerais bien que vous nous donniez un élément plausible pour, comment dire, donner dans le dossier de quel moyen est-ce que nous avons nous-mêmes trouvé le lien entre ces deux affaires. Je ne sais pas si je suis clair. Si, mais il me semble que... En fait, ce qui vous fait un peu défaut, c'est que soit vous êtes très récent en ville, soit que la personne qui habite ici n'aime pas beaucoup les hauts quartiers. Ce qui fait que le nom résonne moins pour cette personne, mais je pense que n'importe quel Vénitien y songerait rapidement. Je pense qu'il est intéressant de simplement dire que... D'accord, oui, c'est vraiment... Votre ami Victor... à Uvan, puisqu'il était déjà présent en ville lorsque ces événements ont eu lieu, et comme dit, ça a fait beaucoup de bruit, hein. C'est Madame Baletti, une doge vraiment très très influente. Pour vous dire, elle restait au pouvoir quasiment tout le temps, parce qu'elle changeait de loge dans lequel elle exerçait son pouvoir, donc elle est restée des décennies tout simplement au pouvoir. C'est marrant parce que, par contre, du coup, notre cible actuelle était simplement professeur des écoles. On n'est vraiment pas du tout sur le même type de profil. C'est pour ça que je pense qu'il y a un peu de paranoïa, mais sait-on jamais. Physiquement, cette dame? Enfin, au pire, nous pourrons toujours voir ça dans le dossier. Il doit avoir des gravures. Puis, si vous remontez un peu dans la très haute ville... Vous tomberez facilement sur des gens qui ont des peintures d'elle, ce genre de choses. Elle avait bien marqué la ville, donc il y a beaucoup de références à elle. Tout à coup, le heurtoir de votre porte retentit à nouveau. Eh bien, on va ouvrir. Il y a beaucoup de gens en ce moment. Vous allez ouvrir. Il y a beaucoup de gens en ce moment, c'est bien vrai. Vous allez ouvrir la porte. En allant ouvrir la porte, je ne sais pas qui va l'ouvrir d'ailleurs, est-ce que quelqu'un se désigne juste en levant la main et... Ok, Esther. En ouvrant la porte, vous tombez juste sur un petit homme très gringalet, vraiment très fin que vous n'ayez jamais vu, et simplement qui est tout essoufflé, tout rouge, vraiment au bout d'un effort visiblement assez intense. Et quand vous la porte, on voit qu'il prend son rouge. Ouh. C'est Vladimir qui m'envoie. Faut que vous allez au quartier de l'arbre maintenant. Vous savez de quoi il s'agit? Non, j'ai juste eu un message de Vladimir. Il m'a dit de vous faire venir au plus vite. Très bien, on y va. Il est déjà là-bas, vous le retrouverez. C'est à nous de le payer, ce type-là, ou c'est... Non, il a déjà été payé, non? Oui, c'est un contact de Vladimir. Bon, bah, dans ce cas-là, nous... vous aviez autre chose dont vous vouliez vous entretenir? Enfin, je me retourne vers notre chère invitée déjà présente. Non, et visiblement, c'est encore urgent, encore une fois, donc... Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Yes, et bien, en route. Vous rentrez donc au quartier de l'Arbre. Pour rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce quartier. En bicyclette. Vous étiez passé rapidement. C'est là où vous avez eu. En bicyclette. C'est là où vous êtes tombé sur le Facas ou le Facave. Je ne sais plus quel est le vrai nom maintenant. Facas. En tout cas. c'est là-bas que vous étiez tombé sur ce petit groupe militant auquel finalement vous avez laissé un peu couler parce que vous avez eu d'autres affaires plus urgentes. Le procedimento est forcément un peu plus important que ces gens-là. Mais voilà, c'est là où vous les avez vus la première fois. Ouais, c'est un quartier auquel vous êtes passé de temps en temps, mais sans plus de finition, ça me permet de recontextualiser un peu. Je bois une gorgée d'eau et je continue. Pardon. Donc, vous êtes en train de descendre, du coup, à vélo, et je vais poser la fameuse question habituelle. Je vais demander à Victor quel est son ressenti, ses émotions, ses sentiments à l'heure actuelle. Victor, dis-moi tout. Bah là, actuellement, on va dire que... je me pose des questions beaucoup sur cette affaire de demoiselle, mais disons que je suis assez troublé parce qu'en même temps il y a rien et en même temps il y a des choses louches comme ce billet que enfin, cette plaque qu'a trouvé Esther. Et maintenant ça, maintenant Ellie qui vient nous parler de cette doge qui aurait eu la même chose. Et je me dis mais c'est pas possible quoi. Il y a plusieurs tueurs en série dans cette ville. On est dans une ville de tueurs en série avec des process différents, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis un peu troublé et plus vite on aura des indices qui soient clos, enfin qui puissent clore le truc ou faire avancer sur l'enquête, plus vite ce sera mieux. Quoi qu'il en soit, vous arrivez au quartier de l'Arbre et on va encore changer de musique parce que j'aime bien. Zut. Bah en fait, il y a plein de musiciens dans la ville de Venise. Chaque fois que tu passes dans un endroit, il y a plein de musiciens. C'est la ville de Venise. Est-ce que ça serait... Mais c'est oh mon dieu. C'est incroyable. En plus, vous avez vu, ils jouent tous les mêmes c'est parties. Fou, ça. Genre en boucle quand t'es chez toi, il y a un gars qui joue toujours la même chose. Monsieur, on entend toujours le son à la même intensité. Ils sont là derrière, ils s'arrêtent ou ils reculent. City of Dust. Ok. Maintenant on sait où est le procédimento. C'est ça. C'est un musicien parce qu'il est toujours là et pour entrer où il veut. C'est lui ça. Qui fait la musique d'ambiance. C'est le musicien. De Venise, c'est pour ça le tourne-disque. Voilà, tout est résolu. On vient de résoudre l'affaire. Bon, on peut partir. Du coup. Allez, bye. Bon, bah, fin de campagne. Bravo, vous avez fini. Crime les fleurs du mal. Bravo. Ok, vous arrivez. Je veux dire, c'est comme la session avec le G. Au quartier, c'est faut dire juste le procedimento, c'est le musicien derrière pour stopper la campagne. C'est vrai. vous arrivez au quartier de l'Arbre, pardon. Quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a une foule immense. Vous ne saurez pas dire combien de personnes, mais vraiment un gros amas de personnes devant l'Arbre qui se situe au centre de ce quartier. Alors pour rappel, hein, le quartier en fait il est composé avec un arbre métallique qui se situe au centre, vraiment ça se situe une place totalement dans le quartier. Et vous savez, il y a un petit côté symbolique, voilà, de l'arbre, de la feuille, de ce chose-là. Et même si ce n'est pas un vrai arbre, ça reste symboliquement un quartier très important pour ce côté-là. Pour et c'est pas là où, des fois, il procedimento, enfin, ou un artiste quelconque, je ne sais plus qui, laisse des messages ou des... Oui, un artiste, mais pas il procedimento. Oui, enfin, ouais. On avait déjà passé une session entière à discuter ça. Donc, un artiste très connu de Venise, mais mystérieux, laisse des messages. L'artiste, c'est la ville Litchi. Voilà. C'est là où, de temps en temps, il laisse des petits poèmes. Et bizarrement, tout le monde est à trouver devant l'arbre. Vous avez déjà entendu parler. Et oui, tout le monde est, du coup, face à l'arbre. Enfin, réunis vraiment autour de l'arbre, et il y a un brouhaha vraiment incessant quand vous arrivez. Et un peu de loin, vous arrivez, vous êtes en train de ranger vos super vélos modifiés grâce à Esther qui vous a permis d'arriver là assez rapidement. Vous voyez Vladimir qui vous fait un signe de tête vous disant d'aller voir directement sur l'arbre. Ben, on va voir. On y va. Ok. Métropolitain, arrêtez-vous. Non. Vous. mine de rien, la blague est quand même valide, parce qu'il va falloir forcer un peu pour réussir à accéder vraiment à l'arbre, parce qu'il y a vraiment un amas, et les gens sont en train de parler entre eux, etc. Ils ne vous calculent même pas, malgré vos magnifiques badges métropolites, vos tenues, ce qui normalement fait que les gens vous calculent. Mais là, pour le coup, c'est juste un brouhaha total. Hein. Et vous devez forcer le passage pour arriver enfin. Face à l'arbre. Face à l'arbre, vous voyez, non pas une plaque de métal collée sur, attachée sur l'arbre, mais bien une feuille de papier sur lequel est écrit quelques mots. À côté, il y a un homme dont vous reconnaissez, à l'accoutrement qu'il s'agit là d'un conteur, le genre de personne qui d'habitude raconte des histoires, etc., et qui, vous devinez, a dû lire du coup le poème pour les quelques personnes ne sachant pas lire si est là. Le poème, je vais laisser l'un d'entre vous le lire, je vais le poster dans le salon prévu à cet effet, geste et balade, et je laisse l'un d'entre vous le lire. Ok. Douleur. Jeune homme au cœur passionné, artiste philanthrope assassiné par une grande incompétence, lâcheté. Douleur. Venise en son cœur poignardé par ceux qui ne devaient jamais faiblir, qui eux nous forcent aux gestes acrimonieux. Trahison. Un coupable qui ne l'est moins que ceux qui organisent l'imposture. Trahison. Fautus a jamais trahi par un ministère trompeur, menteur. La Veridici. Vous lisez chacun ce poème. Et je vous laisse décider quoi faire. Est-ce que vous restez là? Est-ce que vous écartez? Est-ce que vous retirez la feuille? Je peux nous réexpliquer la situation. Donc il y a la feuille qui est sur l'arbre, du coup. Enfin, et il y a quelqu'un qui est en train de la lire. À haute voix. Non, le poème a déjà été lu quand vous êtes arrivé. Vous, c'est juste, vous êtes venu le lire, et je l'ai fait lire une personne pour tout le monde, donc c'est Gossette qui l'a lu pour le groupe, et en gros, vous l'avez tous lu en même temps. Bah, on va... Alors, c'est sur quoi? C'est pas sur une... Ça écrit sur une... Sur une feuille de papier. Une plaque de cire. Une feuille de papier. Une feuille de papier. Une feuille de papier. Une feuille de papier. Oui. Une feuille de papier. Genre c'est la première fois de ta vie que tu vois une feuille de papier. Une feuille de papier. La deuxième fois. La première fois, c'était quand vous avez juré C'est vrai. C'était la deuxième fois. Wow. Il y a peut-être des gens dans l'assemblée qui n'ont jamais vu de feuille de papier, d'où la foule. Ok, je vais tout de suite arracher cet écrit subversif de manière très délicate. Très bien. Puis tu fais le retires et tu vois que quand tu fais ce geste là, y a vraiment une réaction dans la foule, tu vois, genre un peu choqué, et le brouhaha qui reprend, mais deux fois plus intensément que lorsque vous venez d'arriver. Calmez-vous, métropolite. Puis quand même mention... C'est bien tenté, mais oui. Les gens parlent entre eux, quoi. Vraiment, c'est... Vous voyez que le moindre fait et geste, pour l'instant, est totalement en fait commenté en direct par tous les gens qui sont agglutinés autour de l'arbre et qui sont en train de voir ce qui est en train de se passer, quoi. Du coup, Hugo, il y a autre chose d'écrit dessus ou... Derrière, peut-être ? Je regarde. Tu regardes la feuille et, mis à part le poème écrit dessus, évidemment, il n'y a rien d'autre d'indiqué. Ça vous dit qu'on se mette un petit peu à l'écart pour en discuter ? Je propose, je regarde Vladimir aussi quand je demande ça. Un endroit avec peut-être un peu moins de monde. Je pense aussi, ouais. Vous commencez à retraverser la foule de votre côté. Et vous avez ce sentiment, mais en fait, assez insupportable d'être vraiment épié. C'est-à-dire que pendant que vous êtes juste en train de pousser une personne pour pouvoir passer, parce que personne ne bouge, ils sont juste en train de discuter entre eux, il y a vraiment un côté assez spectacle un peu de ce qui est en train de se passer, où les gens en fait s'en rendent commenter tout ce qui est en train de se passer, et les gens s'en rendent commenter alors que vous êtes en train de les pousser. Il y a vraiment en fait un côté vraiment gros brouhaha, et vous sortez de là et il y a Vladimir qui vous attend de l'autre côté. Là, ce que c'est, oui, c'est bien, c'est Vladimir. J'avais peur de me tromper de prénom, mais c'est bien ça. Il y a Vladimir qui, du coup, vous attend de l'autre côté de la foule. La chasse au pire et... vous fait un signe de tête pour vous éloigner de la place. J'imagine qu'on n'avait aucune idée de qui a mis ça. La Virilici. On l'a pas surprise sur le fait. Non. Ça fait combien de temps ? Depuis ce matin, le temps que l'information nous parvienne, j'ai envoyé quelqu'un vous chercher, mais... Donc autant dire qu'on aurait pu le laisser accrocher là, ça serait revenu à peu près au même. Bientôt toute la ville sera au courant du dernier poème de la Veridici. Ouais, en tout cas c'est quand même troublant qu'il fasse mention de Photus... Enfin... On a quand même l'impression que ça regroupe un peu les affaires, quoi. Personnellement, je pense que ceci est d'une importance extrême et que c'est un événement dont nous ne devons absolument pas, comment dire... sous-estimer l'ampleur, je pense que nous devons nous rendre plus vite au ministère de la propagande. Personnellement, je verrais bien peut-être, pourquoi pas... On est bien à l'écart, hein, bien sûr, quand je dis ça. Peut-être faudrait-il revenir demain ou pour la nuit, accrocher un autre poème, signé la Veridici, sur une feuille de papier, ce que je doute, peut-être, doit être difficilement possible, mais qu'il aurait les louanges du ministère, ainsi peut-être nous pourrions... semer le doute, même si la plupart des gens ont pu lire la version originale, mais bref, ça pour dire que il va de soi que nous devons agir au plus vite, selon moi. Je suis d'accord sur ça. Ce qu'il y a dans ce poème pourrait gravement mettre en danger la stabilité déjà pas très stable de la ville. si jamais je ne sais pas si cela serait compatible avec le fait cette stratégie que je vous propose d'essayer de revenir en dans la nuit, de remettre un poème signé la Veridici, mais cette fois-ci faisant les louanges du ministère, ou du moins sur un autre sujet, afin de semer le trouble. L'un d'entre nous pourrait peut-être prendre la parole pour défendre le ministère le temps avant que cette foule ne se dissipe et ne propage maragot et diverses calomnies sur l'administration et l'état de notre magnifique cité de Venise. Malheureusement, je pense que... Hugo, je pense que malheureusement, c'est déjà trop tard. Ce ne sont pas quelques paroles de métropolite qui vont faire changer l'opinion des gens sur la Veridici. Surtout que on sait très bien que les gens du quartier aiment à regarder et à contempler ces poèmes quand ils sont là. Peut-être pas qu'une simple parole de métropolite qui seulement usant de son autorité pour donner les ordres, je ne pensais véritablement un vrai plaidoyer, un discours devant toutes ces personnes. Je pense que je serais sans doute le plus à même de faire cela, mais je ne sais pas si le temps que ça nous prendrait. Soit t'es essayé. Véritablement. Une fois, si tu veux. Je pense que moi, je. Si tu veux le faire, n'hésite pas, je te mets juste en garde que. Le costume que nous portons, l'uniforme que nous portons, parfois peut nous porter préjudice. Et en ce moment même, je pense que les gens ne nous portent pas dans leur cœur. Mais ta verve est bien connue de tous, donc je t'en prie, fais donc. Est-ce qu'il y a une estrade, quelque chose, un truc, un rocher, j'en sais rien, qui pourrait permettre. Il y a un arbre. Place-toi devant l'arbre. Un banc, n'importe quoi, qui pourrait permettre de. Non, même pas. Je pense que l'arbre serait une bonne idée, ce qu'il y a devant l'arbre. Il y a un arbre et quelques bancs, parce que c'est une petite place de tranquillité. Ok. Bon, je confie délicatement ce papier à Victor. Je lui tends le papier, puis je dirige de ce pas vers cet arbre. Tu vas vers l'arbre, hein, sachant qu'il y a toujours la foule amasiée, sauf que maintenant elle est plus tournée vers l'arbre, forcément il n'y a plus de poème dessus. Toute la foule vous observe, donc elle te voit arriver vers eux, commentant chacun de tes pas. Et le pied gauche, et le pied droit, et le pied gauche, et le pied droit. Par contre, s'il reste trop concentré sur nous tous et que du coup il ne suit pas tous Hugo du regard, je pense qu'on va juste l'accompagner jusqu'à lui servir d'accompagnateur jusqu'à l'arbre. Je sais pas. Sauf si Hugo nous fait signe qu'il veut rester seul. Allez, rendez-vous au ministère, je m'occupe seul de tout ceci. Ok, bonne émeute, à plus tard. Je pense que ce serait mieux qu'on reste à côté. Hein. Personnellement, je pense que c'est... Du coup, je veux savoir, est-ce que... Oui. Est-ce que du coup, le reste du groupe... Je reste. Je veux voir sa plaidoirie, sa verve. Ok. Hugo, tu es face à cette foule qui... Enfin, tu es pas encore au niveau de l'arbre, tu es face à cette foule, il faut que tu la traverses déjà. Tu y vas comme à l'aller, tu pousses encore pour passer. Du coup, je m'installe devant l'arbre et... Habitantes et habitants de notre magnifique et chère cité de Venise, citoyens du quartier qui, sous cet arbre, fait vivre et véritablement rend connu à travers toute la toile, la grande et magnifique Venise. Vous n'êtes pas sans savoir que sous cet arbre même, il y a peu, des écrits calomniant notre magnifique et, si je puis dire, très efficace administration de la cité qui, aujourd'hui, si jamais elle n'était pas là, ferait en sorte que cette ville ne soit qu'anarchie, que plus personne ne soit en capacité de pouvoir rédiger, véritablement laisser exprimer l'art, cette chose magnifique qui nous unit tous, nous artistes, poètes, peintres, que sais-je encore, comédiens. Tout ceci n'est permis que parce que le ministère... Les ministères qui font en sorte que cette cité tourne, protège et, bien sûr, laisse exprimer ses citoyens. Néanmoins, tous ces écrits calomnieux ne sont absolument et en nom de quelqu'un, possiblement des choses que nous pouvons afficher. Qui aujourd'hui n'a pas, ne regrette et souhaiterait vous en faire en sorte que les... métropolites disparaissent. Qui souhaiterait se faire agresser à tous les coins de rue? Qui souhaiterait à ce que nos théâtres soient raquettés par des membres de balandrins qui habitent dans ces bas quartiers, en dessous de nous? Tu entends. Jamais. Et je dis bien, si jamais... Une voix s'élever. Attends. Il y a une voix qui s'élève pendant que tu parles. Hein. En soi, ça se passe en même temps, mais comme on est sur Discord, c'est un peu compliqué de qu'on parle en même temps. Mais il y a une voix qui s'élève alors que tu es en train de tenir ce speech. Une voix d'un peu vers le fond de la foule hein, qui va tout simplement s'écrier « Il y a 10 ans, on s'en sortait très bien sans vous !» Et qui semble avoir un petit brouhaha de... Pas forcément d'acceptation, mais... La phrase fait sens. Et depuis ces 10 ans, combien de criminels ont été arrêtés hein? Car vous réagissez, mais combien de voleurs, d'escrocs, de tenanciers, de bars illégaux qui fourguent à tout ce bas peuple qui nous faut tout de même reconnaître les mérites de faire tourner quelque peu notre grande et magnifique cité? Du poison. Sans les métropolites, nous serions tous, comme je l'ai dit plus tôt, dans une anarchie la plus complète, la plus totale. Il nous serait impossible même de nous rassembler en ce jour pour admirer la beauté des vers et du lyrisme de tous ces auteurs qui viennent publier dans ce quartier. Alors certes, nous sommes en art... comment dire... certains que des erreurs peuvent arriver, mais en aucun cas cela nous donne le droit de critiquer ceux qui tous les jours se lèvent et protègent notre société, font en sorte que les éléments qui veulent la renverser, la détruire, détruire nos foyers, nos familles, faire en sorte que l'art ne soit plus la valeur sur laquelle est fondée notre cité. Nous n'avons pas le droit d'insulter ces gens qui nous protègent. Nous n'avons pas le droit de faire en sorte qu'ils aient honte tous les matins en nous protégeant, en protégeant la veuve et l'orphelin de tous ces malandrins qui souhaiteraient mettre à bas notre artistocratie. Et je le dis, je le répète, tout le monde ici est libre d'exprimer ses idées, tant qu'elle n'atteigne en aucun cas à l'honneur et à la représentation de l'état de la cité de Venise. Je vais te demander du coup un jet, s'il te plaît, d'Arguti. Je vais poser une question, voir ce qu'il en est, mais c'est surtout voir du coup, c'est ton interprétation, ça me permet de mieux cerner les enjeux qu'il y a derrière, mais est-ce que là tu penses que par exemple, ton spleen peut rentrer en jeu? Au sens où, du coup en fait c'est surtout une question de point de vue, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vraiment ton interprétation de ton spleen. Est-ce que là par exemple, cet militantisme dans l'art, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui du coup n'est pas respectable utilisé de cette manière? Ou est-ce que tu arrives à faire la différence, tu comprends que l'art puisse être politique, mais c'est juste que tu es contre le fond? C'est une question vraiment personnelle pour le coup, ça m'aide à mieux comprendre du coup comment sera utilisé ton spleen à l'avenir. Je te laisse me répondre. Bah, clairement, c'est sûr que ça fait toujours quelque chose de retirer la possibilité à un artiste de s'exprimer, mais ça rentre un peu en contradiction du coup aussi avec l'idéal d'Hugo qui veut une bonne place dans la haute société, et donc qui respecte la haute société, donc la société en elle-même. Et donc bah, c'est sûr que c'est étonnant que des gens puissent arriver à faire des œuvres d'art pour critiquer la société aux yeux d'Hugo, et que c'est quelque chose, c'est sûr. Mais il a essayé de faire passer le devoir avant l'art, et voilà. Voilà. Okay. Voilà, c'est pas si c'était donc, clair, mais oui, du coup, c'était trop si pour lui de découvrir une œuvre critique. Ouais. Si je comprends bien, du coup, ton spleen ne rentre pas vraiment en jeu. J'aurais dit Ah oui, c'est pas trop répondre à cette question. Bah si, quand même, ça fait étrange aussi de je pense de retirer la possibilité, comme je disais, à un artiste d'exprimer. Ouais, okay. Voilà. Eh bien, dans ce cas, déjà merci pour ton honnêteté, parce que ça va pas forcément jouer en ta faveur, mais je te demanderais du coup de faire un jet d'Arguti avec le spleen activé. Ce qui fait que tu vas lancer 3d6 et tu vas retirer le meilleur des dés. Ce qui fait que tu auras que les deux moins bons. Bon, bah j'ai fait 2, 5 et 1, 6. Ça fera 10 plus Arguti 4. Ouais. Ça fait 14. Okay. Ah, aussi, je me dois d'être honnête. Est-ce que la foule, du coup, c'est des gens, c'est des ouvriers ou quoi, qu'on est crasseux ou quoi, ou... Parce que j'ai un trait, c'est il est hautain avec des gens inférieurs. Oui, c'est vrai. Bien, bien vu. Alors, je regarde rapidement, mais il me semble que le quartier de... Alors, si je grésille, c'est normal, c'est parce que j'ai ma connexion qui est en train de se connecter à un document. Mais normalement, le quartier de l'arbre est quand même plus dans la haute ville que dans la basse ville. Il est genre au milieu, plus ou moins. Je vérifie quand même, histoire de pas dire de bêtises. Hein. Très rapidement, quartier de l'arbre. Ouais, c'est ça, il est pile en dessous de la haute ville, donc... les gens qui y vivent, c'est pas de la très haute ville, mais ils sont plutôt à statut identique à toi que inférieur. Donc je pense pas que ça passe, mis à part si t'es vraiment très très hautain. Non. Mais normalement, oui. c'est dans la limite acceptable. C'est pas du bas peuple. J'adore. Ok, bah dans ce cas-là, non. Que ton texte soit lui-même déjà méprisant, en mode il est hautain envers les gens inférieurs, genre. Le texte est lui, il n'est pas neutre parce qu'il part du principe qu'il y a des gens qui sont inférieurs. Alors, ok, donc du coup, tu as fait 14, ce qui est déjà un très bon résultat. Et moi, je pense que. Très bien. Alors, il se passe des choses incroyables hein, ce soir en termes de jet. Puisque tu as fait un statu quo. Ok. Je vais pas te mentir, la foule est un peu récalcitrante, mais tu remarques que malgré tout, ça aurait pu être bien pire. C'est-à-dire qu'il y a pas mal, une bonne partie de la foule qui a l'air clairement, enfin qui part en discussion entre eux, en débat, et ça a un ton assez houleux, mais c'est, le débat est entre eux, et malgré tout, s'il y a un débat, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui te soutiennent, donc il y a des gens qui, comme toi, pensent que l'arrivée du ministère, etc., à Venise, ça a été une bonne chose. Donc t'es pas non plus face à une foule convaincue à 100% que vous êtes le mal. Malgré tout, il y a du débat, mais là où tu t'en sors bien, c'est que le débat est entre eux, c'est houleux entre eux. Tu sais que là, tu te dis à cet instant même que si jamais tu aurais mis un petit peu trop de ton côté hautain dans ce discours, tu aurais pu te prendre une foule en colère et autant de gens qui auraient pu te vouloir du mal, ça aurait pu être très compliqué. Mais heureusement, c'est entre eux qui se disputent et tu te dis que tu as fait de ton mieux. Au moins, il y a quelques gens qui vont soutenir le ministère et que c'est le moment de t'éclipser avant que leur attention revienne sur toi. C'est bien, j'ai créé la dissension. Diviser pour mieux régner. C'est parfait. Enfin, on serait pas mieux de tous les convaincre. Mais... ouais. N'empêche que, il faut quand même noter que tu as fait un très très bon jet avec le spleen, etc. Donc il y a eu beaucoup d'émotions et ça a été quand même très remarquable. Donc, même si ça aurait été mieux tous les convaincre, tu as quand même, tu penses, une des meilleures fins possibles de cette situation. Donc, tu peux au moins partir le cœur léger là-dessus, t'as fait ton mieux. Quoi qu'il en soit, vous voyez Hugo vous rejoindre après son speech. Et si vous voulez échanger, je vous laisse échanger le temps de trajet pour aller au ministère. Charlie, du coup, désolé, je t'ai pas entendu. Je disais, j'applaudis discrètement quand il approche. Très bien. Et si les gens veulent échanger, oui, pourquoi pas. Surtout que j'ai potentiellement une théorie sur l'enquête en cours, mais c'est très farfelu comme théorie. Cornelov va pas aimer. Ah ouais. Ouais, parce que je voulais en parler lorsque notre cher ami Victor, même si j'ai plus lu sur son visage que l'entendu dire de sa propre bouche, disait qu'il y avait beaucoup de tueurs en série dans cette ville. On est un peu à l'écart de la foule, là. Oui, oui. Là, en fait, vous prenez les vélos et vous allez au ministère. Donc, Je vous préviens, c'est vraiment très farfelu. Comment dire, j'ai pas spécialement d'indices qui me laissent penser que cette théorie est bonne. C'est plus une idée qui m'est passée par la tête et qui semble... Enfin, en vrai, je me dis pourquoi pas, et ça expliquerait 2-3 trucs. Il faut se méfier des théories qu'on trouve parce qu'elles expliquent 2-3 trucs. En gros, je me demandais... parce qu'on on avait dit, oui, l'enquête en cours, il pourrait peut-être y avoir un lien avec il procedimento, peut-être que le ministère de la propagande est plus ou moins au courant, peut-être que c'est pour ça, par exemple, qu'il manquait l'espèce de... j'ai oublié le dictaphone. Non, le... C'est le gramophone qu'on utilise, sachant que nous, c'est un gramophone qui permet d'enregistrer et de diffuser. Et comme disait, enfin, comme le présageait notre ami Victor, c'est vrai que ça fait beaucoup de tueurs quand même dans cette ville. Alors, c'est possible que ces deux affaires n'aient aucun lien et qu'en effet, ce soit alors peut-être pas un tueur, mais c'est vrai que l'idée des médecins qui disparaissent, etc., ça paraît quand même vraiment étrange. Bon, on peut quand même supposer qu'il y a quand même un acte volontaire là-dedans. Je vois pas comment, de manière accidentelle, le même schéma pourrait se reproduire 6 ans après. Mais moi, je me demandais, est-ce que la première mort, sans s'enlever les dossiers, si on trouvait des liens assez similaires à l'enquête actuelle, comme peut-être par exemple le gramophone ou même d'autres trucs, est-ce que ça aurait pas pu être à l'époque un genre de coup d'essai d'il procedimento, genre une espèce de premier meurtre, mais pas sous le blason d'il procedimento, mais fait par la même personne qui tente de tuer quelqu'un? Et vu qu'on sait que ce dernier est très joueur et qu'il adore nous tourmenter, On avait dit qu'il aurait potentiellement un lien aussi avec les métropolites. Hein. Ça se trouve, c'est lui qui nous a mis sur cette affaire. Ça pourrait pas être une manière à lui, comment dire, de nous... comment dire, de nous renseigner... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de nous rebalancer là-dessus. Genre... Désolé, j'étais distrait par une pensée. Mais voilà, en gros, je me disais, bah, si ça se trouve, en fait, les deux sont liés. Le fait qu'en effet, ce nouveau meurtre ne corresponde pas parfaitement au concept, enfin, au meurtre habituel du procedimento, pourrait justement être un indice qui est uniquement parce que ce serait uniquement. Il procède bientôt à frapper. Maintenant, en le disant, je viens de me rappeler, quand est-ce qu'étaient les premiers meurtres officiels du procedimento? C'était il y a combien d'années, etc. Parce que ça se trouve, c'était il y a plus de 6 ans, et dans ce cas-là, ma théorie est complètement baisée. Mais... On est sur... je crois que c'est dans les années 28. Si je me souviens bien. Ouais, on est sur du 30 max, et le plus vieux, c'est du 28. Bah voilà, du coup, je vous laisse du coup réagir dans la conversation. On va dire que, bon, voilà, rapidement, Hugo a failli se déraper, se casser la gueule, mais il est revenu. Et, et voilà. Cette théorie, c'est cool. Il veut se reprendre. Il est parti se laver les mains parce qu'il s'est mélangé à la populace et il pouvait pas. Mais du coup, c'est intéressant comme réagissez théorie. Ou passez à autre chose. Je vous laisse discuter. C'est intéressant enfin, comme théorie je pense qu'il y a peut-être un fond de vérité. J'ai moi un peu ma petite théorie qu'on pourrait presque considérer dérivée de celle-là, mais je pense que je vais pas m'avancer tant qu'on n'aura pas vu le fameux dossier du meurtre du passé. Carrément. Mais j'ai une idée assez proche. C'est bien, on est un peu tous sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui chiffonne. Kornilov. Parce que ces dernières semaines n'étaient pas les meilleures entre nous hein, depuis l'affaire... Ah oui, la fameuse. Ouais. Je vois pas de quoi ouais. faire en parle. Et puis il a peut-être que là, je me dis peut-être au courant que je suis allé au bar sans lui, sans trahir. Ouais. Très bien. Si personne n'a autre chose à échanger, on peut passer du coup à votre arrivée au ministère de la, enfin bâtiment institutionnel du ministère de la propagande pour utiliser le nom entier. Je rechange la musique, on change de quartier. Gosset, je suis désolé, ça te faire beaucoup de changements de musique à cette session. Mais ça fait du bien de voyager un peu, je sais pas ce que vous en pensez. On passe d'un quartier à l'autre, la musique change. Sympa. Bref. Vous arrivez au bâtiment institutionnel du ministère de la Propagande. Propagande, pardon, excusez-moi. Déposez vos vélos et vous rentrez dedans. Comme d'habitude, vous tombez sur cet accueil au rez-de-chaussée. Et je vous laisse échanger du coup avec le jeune homme de l'accueil. Si vous avez des questions, ou si vous voulez vous entretenir avec quelqu'un, enfin bref, je vous laisse vous annoncer comme vous le souhaitez. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous savez si Alceo est présent ? C'est bon. Oui, il a pas quitté des quartiers. Oui, il est toujours en haut. Ok, je vous remercie. Du coup, je regarde les autres et je dis, écoutez, est-ce qu'on parlerait pas de tout ça avec LCO? Je pense, avant d'en faire une référence. Faut forcément mettre le camp au courant parce qu'il va falloir gérer les effets de foule qu'il peut y avoir après. Donc. Oui, mais je préfère, en fait, dans le sens que je préfère d'abord en parler à Alceo que d'aller en parler au grand patron, parce que oui, non, Cagno, parce pas. Que... C'est pas la peine. du coup, je commence à y aller, hein. Les autres me suivent ou pas? Très bien. Ouais, on suit. Tout à fait. Alors... De même. Je vous aime beaucoup. Mais prévenez quand vous allez voir un PNJ qui a un thème, ça évite qu'on change de musique toutes les deux minutes. Écoute, c'est toi qui as voulu, maintenant tu assumes. Non, Gossette du montage, tu mettras la même musique jusqu'à ce passage-là, tu changeras pas pour le temps du... Non, ça, c'est trop tard, non, on a été au truc. Il y aura c'est gravé dans le marbre. Il y aura 10 secondes de musique du ministère. Une minute. Une minute, voilà. Ouais, mais avec le montage, ça fera 10 secondes. Parce que tout le truc qu'on a enlevé... T'inquiète pas, après tu pourras remettre celle du ministère, parce qu'après on va aux archives pour aller chercher les dossiers. C'est ça. Ça fait, je remarqué qu'en fait, mon système de musique... Bref. Vous allez voir Alzo del Innocenzo. Vous vous rendez directement à son bureau, plus ou moins. Alors, les gens ont rarement des bureaux, encore une fois, hein, perte de place, etc. Même si, comme c'est un bâtiment institutionnel, il y a des vrais murs, encore une fois. C'est un peu comme La Machine, vous savez, cette fameuse maison pour riches qui avait des vrais murs. C'est assez rare, mais là, pour le coup, comme c'est un bâtiment et que c'est plus pratique pour travailler, que tout le monde ne s'entende pas à travers des papiers, l'argent a été mis, les matériaux aussi. Ce qui en fait un des bâtiments les plus importants, du coup, pour... Venise, les bâtiments où en gros il y a des murs à l'intérieur, c'est des bâtiments qui sont vraiment chéris et très protégés, parce que les détruire, ça serait un massacre absolument total en termes de ressources. Bref, petite parenthèse fermée, vous tombez sur Alceo, qui est dans son espèce de bureau ouvert dans lequel il y a aussi ses secrétaires, etc. Vous voyez que tout simplement, il est un peu étonné de vous voir, peut-être aussi rapidement, et il se tourne... Ah Eh bien, on me rend oui, visite. Oui, une urgence, monsieur. Ah. J'aime pas bien ça. Je pensais que c'était pour l'affaire de... On va en profiter aussi, mais d'abord. Dites-moi. Eh bien, mon très cher Victor, si vous pouviez transmettre la pièce à vos convictions... Tu lui tends. Voilà. Alceo le prend et se met à le lire assez rapidement. Vous voyez ses yeux faire gauche-droite. Et vous voyez que il a comme un spasme de se retenir, de froisser la feuille, parce que ça reste une feuille. Hein. Et la peau sur son bureau. Là, c'est un énorme soupir. Comment ceci en est a été placardé sur l'arbre du quartier. Oui, de l'arbre. Ah, bon. Oui, je l'ai pas dit assez fort. Ouais. Ah oui, bah forcément. C'est là que la Veridici met tous ses poèmes, mais j'aime pas bien ça. Je dois vous l'avouer. Vous savez, la Veridici, c'est la parole du peuple. C'est Ça fait des années qu'elle laisse des poèmes que tout le monde lit, que... Quand on a pu se la mettre à dos... Oui. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est très bien que ce que... Que vous avez déjà réagi. Vous savez depuis quand le poème tourne... Très tôt. Depuis très tôt dans la matinée, visiblement. Et malheureusement, un attroupement conséquent des habitants du quartier a pu lire le poème et nous avons donc dû le décrocher sous leurs yeux. Nous avons préféré agir au plus vite. J'ai pris la responsabilité de prendre la parole pour, comment dire, tenter de... faire taire toutes ces idées subversives et à l'encontre le bon sens et la morale. Une partie conséquente du public semble avoir été réceptive, mais l'autre partie l'a été moins. Toujours en est-il que nous sommes partis alors que divers débats avaient lieu. Je tiens à assumer toutes les responsabilités de cet acte que j'ai entrepris. Et nous avons dû agir dans l'urgence. Peut-être ce n'était pas la chose à faire, mais c'est ce que j'ai fait. Et c'est de mon initiative. Je vous le reprocherai pas. C'est une bonne chose de vouloir calmer le jeu. Était-ce la meilleure solution? Je ne sais pas, mais je vous félicite d'avoir pris une décision dans un moment complet comme celui-ci. Je vais vous poser une simple question. Une question et vous allez me répondre le plus simplement du monde. Compris? Est-ce qu'il y avait un conteur, un crieur public, quoi que ce soit de ce genre-là à côté du poème? Oui. Oui. Très bien. Oui, ce qui signifie que... Le monde du monde. Ça veut dire que des gens de la basse ville sont montés. Ce qui signifie que le poème fait déjà le tour de Venise. J'aurais préféré que... Non, dans mais... ce cas-là... On n'y peut rien. Eh bien, justement, j'ai une proposition à vous faire. Nous pourrions, même si nous savons que ce genre d'informations se répandent comme une traînée de poudre, nous pourrions soit réafficher un poème, mais bon, trouver une feuille de papier, cela me semble incroyable. Et donc, une version qui, si je puis dire, adoucie du moins, si ce n'est complètement changé du poème, ou plus simplement, nous pourrions engager des propres crieurs et autres conteurs de rue pour propager une autre version de ce poème, ou quelque chose du genre. Ou... En tout cas, il nous faudrait faire une diversion, provoquer un événement qui entraînerait encore plus... Les gens ont parlé d'autre chose, mais tout ça pour dire que je pense que nous devons... Enfin, ce n'est absolument pas de mon fait, mais ce sont mes propositions. Voilà. C'est une proposition intéressante, mais... Il faut agir avec parcimonie. Il faut voir si cela se tient ou pas. Disons que la moindre manipulation qui serait révélée nous enfoncerait bien plus que simplement la lecture de ce poème. Mais je pense que ça reste intéressant. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais je ne sais pas encore dans quel ordre, il faut y réfléchir. Je pense qu'il ne faut pas prendre de décision hâtive. Et je pense que vous êtes... Malgré tout, bien utile sur cette affaire. Il va falloir se décider à comment réagir. Il va y avoir des prises de décision qui vont venir d'au-dessus de nous, mais aussi de nous, de vous. Et s'il y a des décisions qui prennent de vous, je veux que ce soit les meilleures, compris? Je veux absolument que vous soyez irréprochable là-dessus. Commettez aucune erreur. On a plein de solutions qui s'offrent à nous. On pourrait chercher qui est la Veridici et s'occuper enfin de savoir ce qu'il y a derrière, mais c'est pas la solution la plus simple, je vous l'accorde. Si cela vous paraît trop de travail avec ce que vous avez déjà, vous pouvez soit faire comme la plupart des métropolites et déléguer des tâches, soit tout simplement passer outre. Mais sinon... Il est dans notre devoir de s'assurer que la société ne commence pas une révolte populaire, intellectuelle ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, on aura des problèmes encore bien plus compliqués à gérer que l'affaire Procedimento, qui nous prend déjà, je pense, un temps fou et beaucoup de notre santé mentale. Je vous le dis... Ce que vous me rapportez là est une bien mauvaise nouvelle. La Veridici, ça fait vraiment des années que c'est le ou la poète. Je mettrais plutôt la parce que la Veridici, mais c'est vraiment le poète du peuple. Beaucoup de théories sur qui elle peut être, où est-ce qu'elle vit, tournent. Tout le monde connaît la Veridici à Venise. Tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui est... qui est insensible. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans ce poème. La mention de Photus, la prise en... Enfin, qu'on soit directement attaqué, nous, ministère de la propagande, alors que on n'est pas les seuls sur l'affaire du procedimento. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à gérer. Moi, je vous pose qu'une question. Est-ce que vous pensez avoir les épaules pour aussi gérer cette affaire de votre côté, sachant que le ministère réagira, mais disons que si j'ai des hommes de confiance sur l'affaire, je pense avoir de meilleurs résultats que juste quelques directives qui nous seront données. Est-ce que vous nous autorisez à en parler entre nous quelques instants ? Bien entendu, Alice. Moi, je me tourne vers les autres pour voir ce qu'ils ont à dire. Eh bien, je suis personnellement absolument pour que nous prenions en main cette affaire et que nous participions directement à contrer les effets de ces écrits subversifs. Parce que, comme l'a dit Alceo, de nombreuses possibilités s'offrent à nous. Nous pourrions trouver la Veridici, nous pourrions, pourquoi pas, j'y ai pensé également, créer un autre, un autre poète qui se mettrait aussi à écrire et à afficher sous cet arbre régulièrement. J'irai trouver une plume, peut-être je peux mettre moi-même, mais nous pourrions ainsi pousser d'autres lignes. Peut-être pas forcément. Enfin, nous pourrions pousser des avis un peu plus favorables au ministère. Ou bien des avis tellement subversifs que les subversifs eux-mêmes s'en retrouveraient à devoir se crêper le chignon sur ces avis subversifs. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et cela entraînerait, comment dire, une sorte de division. Bref. Je pense que cela pourrait être. Une possibilité, voilà, c'est mon avis. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, personnellement, je pense que c'est bizarre que y ait un enchaînement comme ça de faits. Alors, comme ça, on a l'impression que c'est pas forcément lié. Mais bizarrement, Cagno qui nous demande de réenquêter sur et essayer de retrouver il procedimento, l'affaire dans la même au même instant qui tombe sur Asinati et avec des faits troublants, enfin des choses un peu troublantes sur par rapport à ça, le fait que on reparle de cette doge qui a connu la même chose qu'Asinati, et maintenant la note de la Viridici qui tombe sur cette table et qui montre clairement du doigt le ministère, et une enquête qui a un lien avec il procedimento, ça fait quand même quelque chose d'assez troublant, personnellement. Et je trouve ça très bizarre. D'ailleurs, s'il y avait tel dossier de la nana, il y a ça aussi, mais je trouve ça bizarre. Ça arrivait un peu trop, c'est trop bizarre. J'ai pas entendu ce qu'a dit Charlie. Il faut qu'on aille aux archives récupérer le dossier. La première Mais c'est ça arrivait un peu tout en même temps, bizarrement. Et voilà, je trouve ça bizarre. Et toi, Cornelio ? Déjà, cette affaire-là, avec la Veridici, de toute manière, on est obligé de la prendre parce qu'elle est liée à il procedimento, à Photus et tout ça, donc on est obligé de la prendre. Ça fait partie de notre affaire qu'on a déjà entre les mains. Donc, il n'y a pas de question sur ça. Moi, je suis pour l'opération Hugo. Et oui, il nous manque plus qu'à aller regarder le dossier en bas et je pense qu'on va pouvoir établir un lien selon la théorie Esther ou la mienne ou la théorie Esther-mienne. Et du coup, je suppose que vous allez vous retournez voir Alceo et vous lui annoncez que vous êtes d'accord pour prendre en charge personnellement cette affaire pendant que, de toute façon, l'affaire ne sera pas gérée que par vous, mais ça rassure Alceo d'avoir des hommes qui connaissent sur le terrain pour gérer ça. Il vous salue assez rapidement, alors que vous partez, vous voyez que vous entendez sa porte rouvrir et Louis courir un peu dans le couloir qui revient vers vous. Excusez-moi, le poème, vous le reprenez ou vous voulez que je le garde pour par sécurité? En gros, tu veux peut-être le saisir pour potentiellement avoir imité une écriture ou n'importe quoi. Ou ne serait-ce que copier la forme plus que le fond, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant. Eh bien, oui. Dans ce cas-là, oui, bonne idée. Nous allons nous en occuper, monsieur. Ah, puis je pense que c'est bien de le garder aussi parce que peut-être plus tard, ça pourrait... pour une raison ou pour une autre, nous servir si jamais il y avait d'autres lettres, enfin d'autres poèmes de ce type avec, que sais-je, des gens torturés qui penseraient à faire des schémas. Oui. Bon, du coup, il vous tend le poème. Et en partant, il vous indique que vous pouvez demander le dossier de Clint aux archives. Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Il vous dit, pas aux archives, mais à l'accueil, que si vous demandez le dossier de Clint, il vous fournira une des pièces qui n'est pas censée tourner. Il est en accord avec l'homme de l'accueil, donc je pense absolument pas aux archives, parce que aux archives les dossiers sur Clint sont confidentiels, vous n'y avez pas accès, mais la personne de l'accueil lui peut vous donner la pièce que vous cherchez. Voilà, c'était ça que je voulais dire, je me suis un peu confusé au moment de dire pardon. Sur ce, il vous laisse, retournant dans son bureau. Quant à vous, je vais changer la musique. Est-ce que vous comptez voir notre PNJ qui a un thème musical ou... Maintenant que tu le dis. Non. elle est là, Ellie. De tous les voir d'un coup. Ellie est en déplacement. Oh mince. Bref. Du coup, vous retournez à l'accueil. À l'accueil, si j'ai bien compris. Du coup, vous avez demandé du coup le dossier de Clint et descendre aux archives pour aller chercher le dossier. C'était bien ça, j'oublie rien. Ok, parfait. Vous commencez par descendre aux archives. Il vous dit qu'il vous retransmettra le dossier, qu'il vous glissera discrètement dans le dossier, dans l'autre dossier. Et aux archives, vous tombez. Sur une jeune femme qui... Alors vous savez que les archives, hein, généralement, les métropoles qui gèrent tournent assez régulièrement. Ce qui compte, c'est pas eux, ce sont ceux qui ont pour rôle de fouiller dans les archives pour vous. Dont la personne très étrange, je sais pas si vous vous souvenez, que vous avez déjà croisé et que vous allez revoir aujourd'hui. Cette personne qui gère du coup les archives, cette toute petite personne aux énormes lunettes qui prend la moitié du visage, qui a une peau toute flat, hein, comme si les lunettes rentraient vraiment dans sa peau avec des yeux très grossis, quelque chose qui est vraiment très surréaliste, hein, toujours, et qui est de très petite taille. Bref. Vous demandez du coup le dossier de l'affaire Madame Baletti, pardon, si je ne me trompe pas. Et ce petit être se dirige dans les énormes classeurs, les énormes j'ai oublié comment on appelle ça, armoire en gros dans laquelle sont rangés les dossiers. Vous l'entendez farfouiller, vous l'entendez s'éloigner, faire des petits pas, puis faire un bruit mais démentiel de cartons de cuivre qui sont bougés par-ci par-là, enfin carton en forme mais en cuivre, de boîtes métalliques bougées, etc. Ça résonne dans tout le sous-sol. Hein. Et au bout de quelques minutes, vous le voyez arriver courant, étendant du coup une petite boîte de cuivre. Vous la saisissez, vous remplissez les documents officiels que vous devez saisir. Vous remontez en haut. En haut, l'homme de l'accueil vous glisse une petite plaque en plus. Et vous conseille de lire ça à tête reposée dans votre QG. Et moi, ma question va être là. Que comptez-vous faire actuellement? On pourrait rentrer tranquillement. À vous de me dire. Bon, il va falloir qu'on épluche les dossiers. Mmh. Oui. C'est pour ça. Oui, personnellement... J'aimerais réfléchir à une réponse des plus rapides concernant l'affaire du quartier de l'arbre. Donc, je pense que oui, rentrons plus vite et mettons-nous au travail de ce pas. Ouais, très bien. Ça va éplucher. Ok. L'affaire. L'affaire Baletti. Bref, vous rentrez dans le QG. Et du coup, je vais vous laisser vous installer à l'étage, comme d'habitude, pour travailler autour de cette grande table qui vous a été offerte grâce à vos... Génial, j'ai oublié le terme. Bref, grâce aux gens qui vous donnent de l'argent, qui vous financent. Mécènes. Mécènes, merci. Voilà, grâce à votre mécène. Et vous allez pouvoir éplucher les dossiers, vous allez éplucher un peu tout ce que vous allez à faire. Je vais d'ailleurs exceptionnellement intervenir dans votre organisation juste une fois pour vous rappeler du coup les affaires que vous avez en cours. C'est la seule fois que je le ferai. Et je vous conseille à l'avenir de quand même avoir toujours ça en tête de on travaille sur quoi. Parce que à partir de maintenant, on rentre vraiment dans la mise en place du RIMT très libre dans lequel vous allez décider sur quoi vous bossez, quand vous bossez, etc. Du coup, vos quatre affaires en cours. C'est plus ou moins ce que vous allez là voir, ce que vous allez pouvoir en discuter, etc. C'est pour ça que je me permets de le faire exceptionnellement une première fois. Vous avez effectivement l'affaire El Procedimento, hein, ça, bon, je pense que vous l'avez bien en tête, celle-là. Vous avez l'affaire, du coup, de Maria Zenati, qu'il ne faut pas oublier, parce que malgré tout, elle est là, même si elle est en lien, du coup, effectivement, avec l'affaire Elena Baletti. Mais ça reste quand même pour l'instant deux affaires différentes. Donc il ne faudra pas oublier que l'une peut être réglée sans l'autre, etc. Elles sont en lien, il faut sûrement explorer énormément l'une pour avoir des réponses sur l'autre, mais ça reste deux affaires différentes. Et maintenant, vous avez aussi la Veridici à gérer. Voilà, ce sont vos quatre affaires actuelles. Et je vous conseille souvent de faire ça, parce que sur une de vos feuilles, un truc comme ça, limite dans vos carnets du joueur, vous savez, dans le party notes, d'écrire un peu les affaires que vous avez en cours, parce que une quête secondaire, un truc comme ça, ou par exemple un PNJ, par exemple ce que vous avez fait la semaine dernière qui était génial, d'aller voir des PNJ pour établir des trucs que vous êtes en train de faire, notez-les-vous comme truc à gérer, parce que comme c'est vous maintenant, je me permets ce petit moment un peu hors-play, mais je pense que c'est important d'amener la transition comme ça, comme là on est vraiment au moment où ça va être vous qui va gérer le RIMT. Voilà. N'hésitez pas à garder vraiment des éléments pour pas en oublier et avancer comme vous le souhaitez sur les éléments que vous souhaitez et pas juste avancer sur l'un parce que vous avez oublié l'existence des autres. Voilà. Bref, comment vous organisez? Est-ce que vous êtes du coup tous les quatre pour regarder du coup la plaque sur Clint et ensuite le dossier? Ou est-ce qu'il y a déjà une organisation en mode on va être deux à gérer ça, il y en a un qui va s'occuper du poème? Dites-moi un peu comment vous commencez à vous organiser. Je sais pas, en fait, en soi, en vrai, c'est pas déconnant de regarder au moins survoler tous les documents ensemble pour avoir un truc global. Et après, se dispatcher les trucs. Ou alors... On se partage tout de suite les documents et puis on reste chacun de notre côté. Je sais pas. Ça me va de survoler une première fois, perso. Mmh. Ouais, on peut survoler vite fait ensemble et après on verra ce qu'on fait pour l'analyse en profondeur. Mmh. Ok. On va commencer par la petite plaque qui vous a été mise sur votre dossier. Celle sur Monsieur Clint. Comme vous avez demandé, vous avez demandé de fouiller un peu ce qu'il y avait sur Clint dans le ministère de la propagande. Et comme vous l'avez dit, il y avait quelque chose d'assez étrange, c'est que c'était interdit d'accès, même pour lui qui est quand même un haut gradé. Hein, Alceo, c'est quand même votre supérieur, mais pas au sens juste parce qu'il est plus gradé, mais c'est un supérieur qui doit gérer des unités comme la vôtre. Du coup, voilà, c'était assez étonnant, même pour lui qui a normalement l'habitude d'avoir accès à genre 90% du contenu. Et du coup, il vous a dit qu'il se débrouillera pour obtenir l'information malgré tout, pour vous aider, parce que, comme ça a un rapport avec l'affaire El Procimento, et l'affaire El Procimento, c'est plus ou moins au grand mot les grands moyens. La plaque indique la chose suivante. Clint a été, du coup, a passé un accord avec le ministère de la propagande. Ce dernier, qui est arrivé à Venise en 1126, alors je vérifie juste en quelle année il revient, mais bref, ce dernier qui est arrivé s'est rapidement fait connaître pour éviter énormément de rumeurs hérétiques, notamment sur le fait que il aurait vécu une attaque par un hurleur. Alors je rappelle que les hurleurs, c'est des créatures qui vivent sur les traverses. Ce sont des espèces de la famille des lézards, hein, comment on appelle ça, j'ai oublié, je suis désolé. Des reptiles. Des reptiles. Des reptiles, pas des dinosaures. Heureusement qu'il y a Kemao pour nous parler de reptiles. Et du coup, il y a voilà, c'est effectivement des reptiles qui sont assez massifs, hein. Mais lui, il aurait été, selon ses dires, agressé par un qui faisait au moins 10 mètres, etc. Bref, à détail totalement impossible, hein, qui n'existe pas, on le sait, hein, un hurleur, on les connaît, enfin, je veux dire, c'est une créature très commune, c'est comme nous, voilà, si demain je dis je connais un chien qui fait 15 mètres de haut, dans notre univers à nous, vous me direz, bah, tu me dis n'importe quoi, ou alors montre-moi des preuves. Là, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on sait qu'un hurleur, ça fait entre telle taille, on sait qu'il y a des plus grands que d'autres, mais c'est pas censé faire 10 mètres, et c'est pas censé être aussi mortel, et il raconte des histoires. Bref, très étrange sur une station de minage sur laquelle il avait été, et toute une théorie du complot qui tournerait autour. Il y a beaucoup de choses qui est dit et qui gênent un peu le ministère de propagande, parce que petit à petit, les gens ont prêté une oreille attentive. Et donc, le ministère de la propagande l'a convoqué. Avec, du coup, Clint, ils lui ont demandé tout simplement de cesser. Clint, vivant dans la misère et étant endetté, a profité pour demander un partenariat, c'est ce qui s'est passé. Autrement dit, Clint a été promu dans le concerne, pardon, excusez-moi, le concerne de la photographie, avec une situation stable et avec de l'argent, en échange de son silence sur ces événements, qui étaient clairement inventés, mais qui après recherchent le ministère de la propagande, semble, c'est pas vraisemblable, mais disons que tous les détails, hein, parce qu'il y a vraiment eu la destruction de, il y a eu enquête, hein, il y a vraiment eu destruction du lieu de minage qui a vraiment existé, les gens qui l'a cité ont vraiment existé, et donc dans le doute, on préfère le tenir sous silence. Il y a eu une enquête, hein, c'est la mention n'en dit pas plus, il y a eu une enquête du ministère de la propagande sur la véracité du coup de ce discours, mais voilà ce qu'il en est. Clint a passé un accord avec le ministère de la Propagande contre son silence. Et il a été promu au concerne de la photographie. Voilà ce que dit Yablok. Que nous apprend pas plus de choses en fait, ce qu'on, enfin, sauf l'histoire du hurleur, mais on savait déjà un peu ça quelque part. Ouais. Sauf que personne ne sait qu'on le sait. Bah, ça confirme juste le profil du coup qu'on avait établi la dernière fois qu'on était sur les procedimento, c'est-à-dire qu'a priori il s'intéresse en particulier à des gens qui savent des trucs que le ministère veut pas, et a priori si on se base sur Clint, sur des gens du coup qui savent des trucs et qui ont accepté de pas le dire et du coup de jouer le jeu du ministère. Mm-hmm. On sait des pas vents, pour Fotus. Voilà, on sait pas pour Fotus, on sait pas pour personne d'autre. Mais effectivement, aujourd'hui, les informations sont moins impactantes qu'à l'époque. J'ai un peu que, il me semble, si ma mémoire me joue pas des tours, que vous l'avez demandé avant que Clint avoue ce qui se passait. Ouais. Donc forcément, il y a un décalage, mais au moins vous savez que il a pas raconté des craques. Ouais. Il y a quand même une trace écrite de ce qu'il vous a raconté. Ça, c'était pour la plaque sur Monsieur Rudolf Clint. Vous ouvrez la petite boîte de métal sur l'affaire Balletti. Et voici en gros ce que va indiquer plusieurs plaques. Je vous fais un résumé rapide, parce que, encore une fois, je vous donnerai le détail des plaques d'ici la prochaine session. Mais c'est une boîte en métal ou en cuir ? Je sais plus. En métal, oui. C'est du cuivre. Hein. Cuivre, d'accord. Cuivre. C'est comme du cuir, mais il y a un V au milieu, ça change tout. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de soucis. C'est des plaques de cuivre. Parce que le cuir, ça se fait à partir de fleurs des crimes, c'est de la ressource un peu chiante à faire, alors que le cuivre, c'est du métal, on maîtrise. Et puis surtout, le cuivre, ça se dissout en quelques secondes dans de l'écrime. Le cuivre, ça résiste un peu plus, donc tu peux sauver des documents s'il y a un problème. Bref, ceci est des petits détails, hein, ça vous permet toujours un peu mieux comprendre comment l'univers marche. Passons du coup à l'affaire Balletti. Si jamais il y a des informations que je donne, que vous n'avez pas le temps de les noter ou quoi, n'hésitez pas. De toute façon, il y aura un petit salon pour le dossier. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, je répète des informations, il n'y a aucun souci. Moi, je vais d'ailleurs chercher mes informations. Voilà. Bien. L'affaire Balletti, c'est donc la mort d'une des doges les plus importantes de Venise. Ça, c'est ce que vous savez du coup, déjà. Les plaques indiquent en fait qu'une enquête a été lancée après que de nombreuses rumeurs ont commencé à tourner. Parce qu'en effet, Elena Balletti est morte assez récemment et fut incinérée le lendemain de sa mort. Et c'est très rapide. Même pour une personne qui est malade, etc., c'est extrêmement rapide. Alors, la rumeur qu'elle était malade, etc., c'est une information qui a tourné, c'est quelque chose qui a été écrit. Sur les plaques, on sait que le fait qu'elle ait maladie était connu d'assez longue date, mais dès sa mort, en fait, elle a été incinérée la journée suivante. Et les grosses rumeurs sont que le médecin, du coup, vous savez que c'est une médecine, son nom est malheureusement pas indiqué, vous savez que c'est une femme, la médecine, du coup, qui s'est occupée de déclarer morte Elena Balletti, aurait quitté la ville le jour même de son incinération, j'ai envie de dire incrémation, mais c'est la même chose, incinération. Ce qui fait que il y a un côté un peu étrange, parce qu'on n'a pas revu le médecin après que, bah, après cette affaire-là. L'enquête, elle a révélé les points suivants. Effectivement, le médecin a totalement disparu. Personne ne l'a vu quitter la ville, etc. Cependant, bah, c'est pas improbable qu'elle ait réussi à quitter la ville. Je veux dire, ça reste une ville, on peut y rentrer, on peut y sortir, et même s'il y a des gens qui vérifient les entrées, les sorties sont toujours un peu moins vérifiées. Malgré tout, il y a une suspicion, parce que les gens importants sont quand même notés lorsqu'ils quittent et rentrent dans la ville pour assurer leur sécurité. Mais c'est pas improbable, c'est plus ou moins ce qui est formulé, c'est que c'est pas improbable qu'elle ait quitté quand même la ville si elle le souhaitait, il y a des moyens de sortir, et puis on est entouré des crimes, il suffit d'avoir quelque chose qui puisse voler, quelque chose qui puisse flotter un peu pour les gens qui traversent, il y a clairement plein de moyens de quitter la ville. Donc, on peut rien stipuler en fait sur la disparition du médecin, et c'est l'élément le plus étrange en fait qui tourne la mort d'Anna Baletti. L'autre élément qu'on leur a demandé d'enquêter, c'est sur le fait qu'elle ait attrapé la fiste, qui est une maladie, qui est la tuberculose, hein, si je ne me trompe pas, de son vrai nom pour nous. Enfin, d'un nom qui est encore en usage pour nous. Ce qui est une maladie qu'on chope très facilement quand on est ouvrier, quand on vit dans des situations insalubres, mais beaucoup moins quand on vit en étant une des doges les plus importantes de la ville. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de l'attraper. Vous remarquez qu'en fait, dès qu'il y a une question, ça se finit toujours par « mais c'était pas impossible ». Et donc, même si c'est vrai que c'est un peu étrange, ben il n'y a pas de quoi stipuler non plus, sachant que le fait qu'elle était malade s'est très rapidement ébruité, malgré le fait qu'elle a tenté de cacher l'information. Donc à partir de là, on ne peut rien stipuler de très étrange de plus que ces deux éléments-là. Et donc l'enquête a été rapidement annulée, voyant que bah, tous ses proches confirment qu'il n'y a pas eu d'événement étrange, mis à part quand elle est tombée malade, mais c'est pas étrange, quoi. Je vais juste dire qu'elle a changé de rythme de vie quand elle est tombée malade. Et donc, il n'y a rien de plus que ces éléments-là qui ont créé beaucoup de rumeurs, beaucoup de mythes autour de la mort d'Anna Baletti, beaucoup de théories du complot, mais il n'y a rien de concret. Et il n'y a rien pour lancer une enquête, mobiliser des hommes dessus. C'est la conclusion du dossier. Et l'enquête s'arrête là. Allez, pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une petite boîte de cuivre qu'elle vous a donnée. Si vous comparez avec celle des procédimentaux, il y a vraiment une différence de taille. Vous voyez que soit c'est des gens qui n'avaient pas envie, qui ont fait un rapport rapide, soit il n'y avait vraiment pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Après tout, avec un corps qui est brûlé, la disparition du médecin, il manque déjà beaucoup de points d'éléments qui pourraient permettre une enquête. Donc oui, vous vous trouvez en fait avec une enquête où en fait ce que savent les gens, bah pour une fois que c'est exactement ce qu'il y a dans les archives du ministère. On a le nom du médecin en question ou pas du tout? Non, comme dit, le nom n'a pas été noté. Ah ok. Ouais, du coup c'est vraiment... Ok. On va rien en fait. Alors on est bien. En fait tout ce qu'on a, on le sait déjà quasi... on le sait déjà, ouais. En vrai. C'est ça. C'est pour ça que je vous avais dit que c'était pas très grave que j'avais pas fait les plaques aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment pas énormément d'informations cruciales quoi dedans. C'est là-dessus que vous allez devoir enquêter pour voir s'il y a un lien réellement avec Maria Zanetti. Alors, pour le coup, les points de mystère sont plus ou moins les mêmes. La maladie soudaine, etc. Même si pour Maria Zanetti, le fait d'attraper une fiste... Enfin, la fiste, pardon. La phtisie. Ouh là là, je vais y arriver. C'est pas si étonnant, parce que, pour le coup, elle vit dans des solutions... dans des conditions insalubres. Ouh là là. Excusez-moi, j'ai pas les bons mots qui sortent. Dans des conditions insalubres. Mais il y a quand même le coup du médecin qui redisparaît, etc. C'est plus ou moins la seule piste que vous avez. Je pense que la meilleure chose qui puisse nous arriver actuellement, c'est de retrouver le médecin. Enfin, la médecine, du coup. Ah, mais... Je sais, mais je vois pas comment on pourrait s'en sortir vraiment sans... mettre la main dessus. Je sais que c'est pas compliqué, mais peut-être que si on envoie des gens à leur recherche, pour rappel, on peut faire quand même appel à du personnel, on peut peut-être demander à une sous-équipe de poudrer cette personne, une sous-équipe qui passerait du coup l'intégralité de son temps à traquer cette personne. Parce que sinon, on essaie de le faire en annexe, là, moi, ça me paraît assez compliqué de mettre la main dessus. Attends, tu veux trouver quel médecin ? Celui de celle qui est morte il y a un moment, là ? Non, l'actuel. Là, l'actuel. Ah, le médecin qui s'est occupé de Azinati ? Oui. Et on n'a pas de nom non plus à son médecin. Pardon ? Ah bah non. On n'a pas de nom du tout non plus. On n'a pas du tout le nom de ce médecin non plus. De le retrouver. Ouais. Ouais, faut envoyer des gens vous choper. Demander à l'équipe en question de retrouver le nom également, hein, tant qu'à faire. Ouais, on va demander à Vladimir. Après, vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense que là, ça, on n'a pas suffisamment d'éléments pour se lancer corps et âme là-dedans sans délaisser complètement tout ce qu'on fait à côté. Et qu'est-ce qu'on fait à côté ? Bah après, il y a toujours la Veridici, on peut essayer de creuser de ce côté-là aussi. On a quand même 4 affaires en cours, même si elles sont toutes connectées les unes aux autres. C'est pas le principal, mais on va dire que c'est pas l'élément principal de notre affaire principale. Je sais pas si vous me retrouvez là-dessus. On a rien d'intéressant, peu importe l'affaire. Après, si on doit travailler, si on devait, entre guillemets, essayer de faire des groupes pour travailler sur les différentes affaires qu'on a, je pense que l'affaire de la Veridici, c'est plus quelque part dans les cordes de Hugo, parce que ça touche à l'art, et peut-être que de par ses réseaux... Il a déjà un plan. Hein ? Et il a déjà un plan, donc je pense que ce serait plus à même à toi, Hugo, de te charger de la Veridici. Bien sûr, même si, n'excluez pas un petit coup de main de votre part. Si... Parce que j'ai des grandes idées, on va dire. Ah non, mais après... J'ai pas tout. Maintenant, c'est sûr que je pense que l'affaire Baletti, ça va être compliqué d'aller plus loin que ce qu'on a déjà là. Alors, après, il y a rien, oui, mais c'est pas comme il procedimento où les informations manquantes sont censurées et donc vous avez vraiment pas accès. Oui. Là, c'est qu'il y a rien parce qu'il n'y a plus enquête approfondie, ce qui veut dire que vous avez moyen quand même d'enquête. Enfin, je préfère juste l'indiquer de pas partir sur le même constat, c'est vrai que ça peut se ressembler dans le fait d'aller piocher. Mais là, il n'y a pas d'informations censurées. Le problème, il est ailleurs, mais ce qui fait que partez pas du principe que du coup c'est foutu. Voilà, c'est tout. Oui, on peut passer sur le, on peut enquêter sur le passé de Baletti, quoi, par exemple. Ouais. Peut-être les gens qu'elle a côtoyé, peut-être. Du coup, on a Hugo sur Veridici et les autres qui veulent faire quoi ? Bah moi, à la limite, je peux peut-être essayer de me consacrer un peu plus sur l'affaire à Zenati. Essayer de voir, peut-être aider à essayer de retrouver le médecin ou la personne qui lui a prodigué des soins. Ouais. Dans ce cas-là, est-ce que tu veux que je t'aide ? Ça m'a l'air Si tu veux, sur un autre front. Ouais, moi du coup, je vais me concentrer sur Baletti de mon côté, parce que en fait, je vais vous faire part de ma théorie tout simplement, qui était donc le fameux dérivé de ce que Esther a proposé. C'est que ma théorie, elle a changé depuis la dernière fois vis-à-vis de Zinetti, vu que ma théorie c'était que ça valait rien. Ma théorie à présent, c'est que ça vaut toujours rien, mais que ça a bel et bien été fait par Il Procedimento pour nous mettre sur la piste de Baletti. Je rappelle que Il Procedimento, a priori, l'a d'être pas mal obsédé par les secrets, les choses du ministère de la propagande, Je suis presque sûr que Baletti a sûrement une histoire avec le ministère de la Propagande, avec quelle que soit notre organisation. Et que s'il a tué Maria, c'est pour qu'on fasse le lien quelque part et qu'on se concentre plus en profondeur sur le vrai, la vraie affaire. Mmh. En effet, c'est intéressant, si tu restes, ouais, clairement. Après, je pense quand même qu'il faut, il va falloir creuser. Enfin, il faut aussi un petit peu creuser ce côté de qu'elle n'ait pas pu prendre son dirigeable. Enfin, soit c'était un dirigeable, ça, pour Éole. Non, mais voilà, mais genre, même si en soi la mort peut paraître sans intérêt, hein, de Asinati. Ce petit truc un peu chelou qu'elle aurait pris ça mais serait pas allée, et c'est pas genre quelque chose qu'elle aurait dû faire il y a la veille, c'est vraiment c'est passé il y a quelques jours quoi, avant qu'elle meure, donc s'il y a quelque chose à creuser, je pense. Et qui peut-être après nous rapprocher de l'affaire Baletti. Mmh. Après, et attendez, il faut que je vérifie mes notes mentales. Parce que je me souviens de quel jour c'était sur son ticket. C'était le 16, non? Je sais pas ça. Je sais plus. C'est un jour où on faisait quelque chose pour ou avec notre cher ami qui est à présent sur les traverses. Parce que là, c'était le ticket du dirigeable, c'était le 16-2 Verdé, 1131. Ouais, 16-2. Mmh. On était toujours... Ouais, 16-2. 16-2 Verdé ? Ouais. Ok. Ouais. C'est ça, hein, Verdé. Ah, c'est ça, on faisait les nouvelles plaques et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, les nouvelles plaques. On devait faire les nouvelles plaques. Oui, 16-2 Verdé, c'est une date qui résonne d'ailleurs un peu pour Esther, parce que c'est le premier pas, le premier baiser échangé entre Esther et Sophia. Qui ne s'appelle plus Sophia. Alors, je me perds peut-être dans mes dates, mais il me semble qu'on était toujours dans l'enquête Fotus à ce moment-là, plus ou moins. Et il est fort possible simplement qu'elle n'ait pas bougé parce qu'on l'a mis en contribution. Elle serait déjà malade à ce moment-là, quand on l'a sollicité. Ah bah oui, parce qu'elle avait acheté le ticket de toute manière. Oui, mais est-ce que si on l'avait croisée, est-ce qu'on aurait pu voir qu'elle était malade ou genre c'était le début est-ce qu'on a vu des... On aurait pu voir des signes avant quoi ? Vous êtes deux sur ce côté-là. Vous êtes 10 mètres. Moi, je vous donne juste cette information-là à ne pas négliger. C'est peut-être qu'elle est restée parce qu'on avait une enquête où elle était liée. Voilà. Maintenant, vous débrouillez avec vous. Ouais. Ouais. En tout cas, encore des mystères à découvrir pour la suite. Mmh. Ok. Je vais juste demander à Hugo, du coup, si tu ton plan, si tu commences maintenant ou si tu attends un peu, c'est pour savoir comment tu t'organises. Alors du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs options qui semblent s'ouvrir, du moins, enfin, ce que je pense. Et une des options, c'est en tout cas, toutes les options passent par l'idée d'étudier déjà attentivement le poème, la façon dont il est écrit, et dont il exprime ses idées, et moi l'idée que j'aimais bien, c'était l'idée du du créer un contre-poète, comment dire, qui fait prendre la place, ou dans ce cas qui se mettrait en concurrence avec le fameux comment qu'il s'appelle déjà, attends, je rends ça, c'est la validité, la Veridici. Voilà, la Veridici. Ouais. Donc je sais pas, pour créer là je viens de regarder sur en italien, je sais pas, on pourrait créer la realtà, c'est-à-dire la réalité, et genre sommet à diffuser, comment dire, des idées. Mais genre en mode plus subversif que moi tu meurs. Mais l'idée c'est qu'il faut pas que ce soit non plus trop subversif, faut pas non plus être ou avoir une enquête mystère sur nous, voilà. Non, oui, voilà, mais faut pas non plus donner des idées aux gens. C'est un super plan, c'est une bonne... D'ailleurs j'aime beaucoup ta recherche en italien, parce que ça me permet de dire que vous qui êtes un peu habitué à ce... encore une fois, il y a cette langue universelle hein, sur la toile, hein, mais c'est pas ce que je faisais. Il y a la langue universelle sur la toile. Malgré tout, il y a un peu de reste de dialecte, mais c'est très rare en fait, hein, que quelqu'un... tu vois, même les accents, ça n'existe pas vraiment. Il y a un reste culturel qui est très faible, mais qui existe un peu. Et... sur du coup la Veridici, vous savez que c'est pas comme Il Procedimento, c'est pas tout à fait un bon italien. Voilà, la Veridici, c'est pas vraiment la vérité en italien. C'est une forme dérivée, etc. C'est un peu modifié. Mais voilà, c'était juste pour indiquer cette petite parenthèse que j'aime bien d'un peu linguistique, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'on a des restes du coup des langues que nous connaissons d'antan, de l'avant du coup Apocalypse, mais enfin Apocalypse, l'arrivée des crimes, hein, évidemment, mais c'est très rare, et vraiment c'est très difficile de tomber sur des gens qui connaissent ces langues là il y a des petits restes comme ça culturels qui restent, des petits mots, des trucs comme ça, des recherches, et c'est déjà intéressant par exemple le fait qu'elles connaissent des mots comme ça. Clairement un ouvrier de base qui a pas le temps de s'instruire ne connaît quasiment aucun mot de la langue d'origine du pays. Je sais pas si je suis bien clair, mais la question linguistique est pas facile, ouais, dans les crimes, parce que il y a une langue universelle, mais il y a des petits restes, mais qui n'existent pas. Il y a même pas un argot justement, vu que c'est... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas d'argot non plus. Tu vois, c'est vraiment en fait, c'est une langue universelle qui s'est installée. Simplement parce que quand les travailleurs se sont croisés, c'est la langue qui a réussi à mettre tout le monde d'accord sur la toile. Et c'est l'avantage, c'est que du coup, tu peux aller sur n'importe quel empire, hein, dans n'importe quel pays de la toile, tu te fais comprendre. D'ailleurs, ça pose pas de soucis. Par contre, c'est-à-dire qu'il y a une grosse disparition, et des petits restes comme ça de la langue natale, hein, que nous, on connaîtrait aujourd'hui. Je fais souvent ce point-là, parce que c'est pour vraiment différencier du coup ce qu'on sait dans les crimes ou pas. C'est vraiment des restes culturels qui sont pas forcément compris, qui sont très difficile à être maîtrisé, et qui disparaissent au fur et à mesure des années, quoi. Parce que forcément c'est pas parlé, et si c'est pas éduqué, si c'est pas instruit, ça disparaît. Bref, c'était la petite parenthèse linguistique. Quoi qu'il en soit, je vais demander du coup faire un premier jet, mon cher Hugo, et c'est pour analyser du coup notre ami le poème. Et je vais faire un jet de créativité. Sachant que comme tu es perspicace, tu as un bonus de plus 1. Je t'affiche sous les yeux, donc j'ai pu le voir. Alors, créativité, ok. Alors, 7 sur le G, plus 2, 9, plus 1, 10. Je vais te poser une question. J'aime bien poser des questions. Est-ce que Hugo en toute honnêteté de juste de roleplay, est-ce qu'il a l'habitude un peu d'étudier les textes? Je sais que tu crées énormément, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est bien, ça nous permet de... Ça me permet, moi, de mieux définir comment vous interagissez avec vos arts, vos domaines, etc. Je sais que voilà, tu crées, etc. Mais du coup, est-ce que Hugo prend du temps souvent à essayer d'étudier les textes des autres pour comprendre comment ça fonctionne? Ou c'est un exercice que tu n'as pas trop l'habitude? Bah, en l'occurrence, déjà, je pense que déjà, il faut se dire qu'on est dans le monde des crimes. Et donc, le papier et même les plaques de cire avec des textes écrits dessus sont quand même légèrement rares. Oui. Moins pour les plaques de cire, mais en tout cas, Hugo, il a plus l'habitude d'écouter à travers donc, son gramophone après, et tout. La question du support... Non, gramophone, c'est pour enregistrer, je sais plus. Oui, non, c'est pour lire. Le gramophone, il fait... Enfin, bref. Le gramophone dans les crimes fait les deux, il enregistre et il diffuse. La question du support n'est pas si importante, c'est plus est-ce que Hugo a l'habitude de prendre une vision analytique? C'est-à-dire de ne pas juste recevoir et apprécier, mais aussi de décomposer, voir comment les choses interagissent, etc. C'est plus dans ce sens-là que sur le support. Bien sûr, mais du coup, pour ce qui est du théâtre, et bien sûr, il écoute des pièces de théâtre régulièrement à travers son gramophone. Il va voir des pièces de théâtre régulièrement, surtout. Mais du coup, c'est une autre forme d'art que la poésie, en l'occurrence. Okay. Donc, néanmoins, il y a un côté lyrique aussi dans les dialogues, tout ça, donc je pense qu'il n'est pas complètement perdu. Oui, mais c'est bien, ça m'aide à savoir du coup quels éléments tu peux tirer du coup de ton analyse. Clairement, ça ne va pas être évident, tu vas passer une bonne partie de ton après-midi dessus à essayer de comprendre du coup, en termes de construction, qu'est-ce qui se passe dans ce poème. Du coup, je réfléchis de ton approche. Donc, il y a quand même l'approche lyrique. Et sur la structure même, bon, il y a le truc que tout le monde voit, hein, mais t'as quatre paragraphes. Chez paragraphe, il y a quatre phrases, trois phrases. Bon, ça, c'est plus évident. J'utilise exprès les termes qui ne conviennent pas parce que c'est pas le domaine de spécialité du Hugo. Donc voilà, ne m'incendiez pas, s'il vous plaît. bon, ça, du coup, tu le remarques, mais c'est intéressant de le remarquer, de quand même prendre le temps de le conscientiser pour voir si tu peux en faire quelque chose quand toi, tu vas te mettre à écrire de la poésie. Sachant qu'effectivement, comme tu l'as indiqué, tu es plus spécialisé toi dans le théâtre habituellement. Mais le théâtre a quand même une forme de lyrisme, donc t'es pas forcément perdu. Est-ce que tu vas remarquer assez rapidement ce qui échappe peut-être aux autres, c'est que, par contre, il y a une forme de lyrisme dans les phrases, une forme de musicalité qui fait que tous les paragraphes ont la même structure en termes de syllabes. Ça, tu le remarques assez vite à force de te répéter les phrases, de les analyser. Et ce que tu sais, en fait, c'est que c'est toujours crescendo, c'est-à-dire que chaque début de paragraphe a 6 syllabes, et chaque phrase qui continue a 2 syllabes supplémentaires. Donc la deuxième phrase a 8 syllabes, la troisième en a 10 et la quatrième en a 12. Et c'est le cas sur tout le poème. C'est ce que tu remarques en termes de construction. Visiblement, il y a un vrai jeu sur le lyrisme et sur une certaine continuité, une certaine répétition. Voilà. C'est ta première analyse structurelle. En roleplay, ça va surtout servir pour tes prochains jets. Parce que moi, du coup, le fait de le dire, c'est pour voir un peu ce qu'on essayait. Effectivement, là, t'as pas grand-chose à faire de ces informations-là. Mais moi, du coup, je sais que t'as ces infos-là. Et du coup, quand tu feras des jets pour créer, etc., je sais du coup ce que t'as pris en compte, ce que t'as conscience ou non. Est-ce que c'est clair? Très clair, oui. Ça va? Oui. Ok, parfait. Eh bien, je vais demander aux autres s'ils ont une dernière petite action qu'ils veulent faire. On va pas commencer l'enquête là, parce qu'on va s'arrêter, parce qu'il est quasiment minuit. Si vous avez un dernier petit truc que vous voulez gérer pour vous, pour votre personnage, avant de commencer l'enquête, on commencera du coup à la session d'après. Je vais voir Alceo. Vraiment? C'est juste pour avoir sa musique. moi, je vais manger un bout parce que j'ai faim. Parce qu'on mange jamais. C'est vrai. D'ailleurs, si Cardia est d'accord, il peut cuisiner. Il aimait bien cuisiner pour Sophia, ouais. Quelque part. Donc, Je peux vous cuisiner. Il fait de magnifiques, délicieux mousse et champignons. Ouais. C'était pas bon. Il est très fort. Ensemble, je sais plus quoi. Genre, c'était hyper intentionné, c'était pas bon. Il y avait pas un truc comme ça. Non, c'était très bon. Une fois, je crois, parce que de souvenir, on fait des tests. De souvenir, je crois qu'une fois. Ah non, c'était quand vous lui avez ramené de la viande. Hein. Parce que. On passe au mode anecdote. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, Kornilov, comme il est habitué à vivre de manière assez modeste, est très habitué à cuisiner de la mousse et champignons, ça, il n'y a pas de souci. Et avant le départ de Sophia, qui est devenue Cassandra, Esther a dit bah, je vais acheter une jolie viande qu'on va manger ensemble, etc., sur le marché, pour fêter un peu. Son départ, et c'est Kornilov qui a cuisiné, sauf que Kornilov n'était pas du tout habitué à cuisiner de la viande, donc c'était pas terrible. Pas terrible. Bon, c'est après, si on a un problème pour s'en rappeler, il faut demander à Beria. Et je pense qu'il saura. Beria, c'est tout à fait. Mais voilà, mais ça, c'était... ça va, mais... Si vous voulez manger de la mousse cuisinée par Kornilov, sachez que c'est délicieux. Ça, il le maîtrise maintenant, ça, il n'y a pas de souci. C'est quand même un homme âgé, il a beaucoup mangé ça dans sa vie, il sait faire. Bon, ouais, du coup, la question, du coup, Kornilov, toi, as-tu quelque chose que tu veux faire dans l'après-midi ou est-ce qu'on se laisse là? Non. J'ai rien de particulier parce que j'allais partir directement sur l'enquête et tout ça, mais on n'a pas le temps. Ouais. Donc ouais, j'ai rien de particulier là-dessus. Enfin, j'ai rien de particulier entre-temps à faire.